main dans vos mains. L'inefficacité spécialement humaine, cette reflation malveillante. Le souffle aussi court que le doigt poussant le bouton. La peur à tout le monde. Grand partage fort fécond. Gestion de masse, actifs et obligations des plus démunis. Rien ne s'y lie. Rien ne s'y épargne. Tout s'y consomme, s'y consume. Ses faiblesses amplifiées par les puissances, faute de connexion, se trait à la fin. Le libre arbitre aux seuls insoumis, l'humanité en théorie. Ce spécisme des religions nouvelles en diktat de fausses notes portées au nu. Et vos larmes, ne pouvant étendre l'incendie de vos fers, l'emballage roi n'y croit. Les faux sourires dans la vraie glace, ces bleus dictateurs en écran. Pourtant, et pourtant, vos mains ne sont pas inefficaces, puisque demain est dans vos mains. Cela se lit, demain dans vos mains, c'est écrit. Demain dans vos mains, sans reflection malveillante, sans peur. Demain dans vos mains, balayons les faux sourires dans la vraie glace. Demain, et dans vos mains. Théorie humaine. Théorie humaine. Vos mains ne sont pas inefficaces. Puisque demain est dans vos mains. Vos mains ne sont pas inefficaces. Puisque demain est dans vos mains. Demain, vos mains cela est dans vos mains.